Ça y est, elles dérivent mes idées. Et mes pensées promènent dans les nuages. Elles se retrouvent dans le ciel, redescendent sur la terre, elles flottent sur la mer. Elles tombent dans un trou et elles se retrouvent en enfer. Là, il fait chaud. La sueur de mes pensées se transforme en paroles dangereuses et instables. Ce qui éponge la tristesse sont les sentiments de bien-être. Ce qui te fait remonter sur la terre. Et à mi-chemin du retour, mes idées croisent celles qui descendent, sans comprendre pourquoi elles aussi elles se barrent dans le noir. Arrivées sur les lieux de la guerre, elles se confondent avec un décor de l'enfer et de la mort. La sueur revient couler sous mes pensées et des paroles sortent. Les pensées dérivent, sans idée de ce qui va se passer. La haine encore la haine, la peine encore la peine, les pleurs encore les pleurs, des plaies toujours pas pensées, le sang coule, des âmes se perdent, des gens mènent une guerre infinissable, indéfinissable. Une petite voix résonne, vient heurter mes pensées. Mon âme, mon cœur pleure, ma vie défile devant mes yeux. La sueur coule, un cri sort. Non, je n'ai pas fini. Mon âme prend un oiseau pour transport. Se retrouve sur le vent, se pose sur les nuages. Tranquille, poursuit les étoiles. Arrive dans un bleu nuit. Là, ne résonne aucun bruit. Je comprends après tout ça que la haine sur son trône garde son royaume. Il lui faut plus d'âme. Il nous faut plus d'âme aussi. Plus d'hommes. Plus de cœur. Et plus d'être. Plus d'amour pour la vaincre. Elle poursuit son chemin. Elle poursuit son chemin sur son trône, la tête haute. Un frisson dans l'âme. Une sueur froide. Battez-vous pour vaincre la haine. Battez-vous pour vaincre la haine.